Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Jusqu'au 23 juillet, le musée du Louvre à Paris propose une grande rétrospective de l'œuvre d'Eugène Delacroix. De quoi inspirer Franck Ferrand aujourd'hui ? Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il y a même là, je vous prie de me croire, de quoi inspirer tout le monde. C'est vrai. L'œuvre de Delacroix est immense, comme l'est sa vie du reste. Une vie dont vous allez nous raconter tout de suite quelques épisodes. Oui, après quoi je recevrai Stéphane Guégan, auteur chez Flammarion d'un très bel ouvrage, Delacroix peindre contre l'oubli. Lorena Martin nous fera visiter le bon musée de la place de Fürstenberg. Et Nicolas Caro passera nous livrer son coup de cœur. Nous sommes vendredi, c'est un programme idéal pour un vendredi. La scène est assez impressionnante. Nous sommes au fin fond de l'Orient, au milieu des flammes et des volutes de fumée. Le grand roi Sardanapale, qui est assiégé par ses ennemis dans son palais, est en train de préparer un suicide. Mais attention, je dis bien un suicide collectif. Il entend bien et ordonne qu'on sacrifie en même temps que lui tout ce qui lui appartient, ses esclaves, ses animaux, etc. Et ses femmes. Il est, lui, vautré littéralement sur l'étoffe chatoyante d'un lit très spectaculaire. Il est là, le grand roi, drapé de blanc, contemplant le spectacle du sacrifice collectif. Sous ses yeux, sur fond de rouge sang et d'or, une femme nue est en train de se faire égorger par un esclave, une autre se pend à une tenture, un homme est en train de s'enfoncer un couteau dans la poitrine et un esclave noir qui est en train de tuer un cheval. Il faut imaginer les cris, les gémissements, les hurlements au milieu du plus grand chaos, ces corps qui vont convulser bientôt et là au loin la ville qui brûle. Scène apocalyptique et scène superbe à la fois. C'est elle que vont découvrir les visiteurs du Salon de peinture et sculpture du Louvre. Nous sommes en 1827, donc sous le règne de Charles X. La toile est monumentale, suffisamment grande pour qu'on ne puisse absolument pas y échapper. Et je vous prie de croire que les spectateurs s'offusquent. Certains se scandalisent même, s'insurgent. « Le plus mauvais tableau du salon !» s'exclame quelqu'un. « Une erreur de peinture, enfin !» dit un autre. « L'art est perdu !» Certains s'emportent dénonçant la démesure, l'outrance, l'espèce d'anarchie qui prolifère sur cette toile au milieu d'une couleur non maîtrisée. C'est en tout cas ce que pensent un certain nombre des observateurs de l'époque, bien entendu. Et puis la violence du sujet, le caractère un peu déséquilibré de la composition. Le peintre a été emporté au-delà de toutes les bornes, dit un critique. Il a voulu composer le désordre, il a oublié que le désordre a une logique. Et il y en a un qui dira « il peint carrément avec un balai ivre ». Un peu à l'écart, observant donc tous ces détracteurs, regardant les réactions des gens tout simplement depuis un coin du salon, se tient celui qui déchaîne toutes ses passions. Son tableau a été retenu in extremis par le jury. « Quel dommage qu'un homme si charmant fasse de semblables peintures », a-t-on murmuré. Le personnage en question, c'est bien sûr Eugène Delacroix. Il faut l'imaginer assez délicat, presque chétif. Hein. C'est un élégant bourgeois, le visage allongé, soigneusement habillé, tout à fait sobre, dans un costume noir assez raffiné. Jamais encore son travail n'avait provoqué un tel scandale. C'est pour lui une expérience inédite. Sosthène de la Rochefoucauld, qui est l'administrateur des Beaux-Arts, vient le prendre à part. Lui-même est furieux. Il dit à Delacroix que si on l'avait écouté, évidemment, on n'aurait pas accroché son tableau au centre du salon. Le tableau n'entrera en tout cas jamais dans les collections de l'État, lui dit Monsieur de la Rochefoucauld. Si à l'avenir Delacroix voulait avoir part aux faveurs du gouvernement, c'est l'expression même, il devrait changer de manière. Delacroix commence à en avoir assez, pour tout vous dire, de tout cela. Il est sur le point d'exploser face, je cite ses propres termes, « face à cet imbécile qui n'a ni sens commun ni aplomb d'aucun genre ». Pour autant, il saura garder son calme. Cette année 1827, Delacroix a 28 ans. C'est vrai qu'il choque ses contemporains parce que, imaginez ce que c'est que l'art de 1827. Hein, on est en plein néoclassicisme, bien entendu, avec un académisme qui prolifère partout, d'inspiration gréco-romaine, bien entendu, l'antiquité est partout. Et Delacroix n'a pas l'intention d'emprunter, lui, cette voie. Il s'inspirerait plutôt de la plus moderne des littératures et de ses poètes qu'il chérit tant, Shakespeare bien sûr, et Goethe, et Walter Scott, et Lord Byron. Vous voyez le romantisme qui est déjà là en train de bouillonner dans les veines de cet artiste. Pour la mort de Sardanapale, c'est du reste de Lord Byron que Delacroix s'est inspiré. Il a transcrit en peinture la verve sublime du poète. Il a livré sa propre vision d'un Orient dont il faut bien dire qu'il est entièrement fantasmé, parce que lui, pour l'instant, n'y a encore jamais mis les pieds. Pour ceux qui diraient que Delacroix a eu une révélation en Orient, vous voyez qu'il est déjà en Orient bien avant de s'y rendre, d'une certaine manière. Du reste, il a très peu voyagé. Lui, il a fait un séjour en Angleterre et quelques petits voyages en Normandie. Vous voyez, ça reste modeste. Il faut dire qu'il est tout sauf un aventurier, Eugène. Il n'aime pas quitter sa vie relativement confortable à Paris. C'est un mondain, d'une certaine manière, à l'heure où nous parlons, en tout cas. En 1827, un jeune homme brillant, assez casanier, plutôt solitaire. Le peintre le dit de lui-même, il a du mal à secouer sa fiole. Or, en cette fin des années 20, 1820, Delacroix se trouve confronté à une impasse. Il a de plus en plus de mal à trouver une inspiration. Il est tiraillé tout simplement entre des aspirations contradictoires, entre sa formation, entre tout ce qui l'entoure et entre ce qu'il ressent et ce dont il a envie. D'un côté, il rejette la peinture raisonnable, comme il dit, et de l'autre, il souffre, lui, d'être rejeté par ceux qui devraient l'acclamer en vérité. Je commençais à devenir pour l'école un objet l'école avec un grand E, hein, pour ceux qui sont chargés de dédicter les règles du bon goût, si vous voulez. Je commençais, à devenir pour l'école un objet d'antipathie et une espèce d'épouvantail. Alors, il peint quand même des tableaux nettement plus sages, en temps normal, moins ambitieux que cette espèce de mort de Sardanapale qui est en train de faire le scandale de l'année. En 1830, on va le voir participer à un grand concours lancé par Guizot pour la décoration de la Chambre des députés. Hein. D'ailleurs, nous en bénéficions encore aujourd'hui des fruits de ce concours. Il va devoir suivre pour ça un certain nombre d'indications assez rigoureuses, s'astreindre à une part de vérité historique et revenir, toute proportion gardée, à une forme de classicisme. Delacroix va peindre deux tableaux d'histoire, Mirabeau et Dreux-Brézé, et Boissy d'Anglas à la Convention. Il peint, sans doute frustré de devoir un peu brider son élan créatif, et en même temps, je pense qu'il est assez content de ce qu'il fait. Les deux œuvres dont je vous parle ne sont pas retenues par le jury. Delacroix se sent humilié. Il écrit que l'institution dégoûte le talent et encourage la médiocrité. L'artiste enfermé dans un atelier, inspiré d'abord sur son ouvrage et plein de cette foi sincère qui seule produit les chefs-d'œuvre, écrit-il. Vient-il par hasard apporter les yeux au dehors sur les tréteaux où il va figurer et sur ses juges qui l'attendent? Aussitôt, son élan s'arrête. Il jette un œil attristé sur son ouvrage. Il devient alors son propre juge et son bourreau. Il change, il gâte, il s'épuise. Il veut se civiliser, se polir pour ne pas déplaire. Et on comprend que le spleen, c'est très à la mode à l'époque, s'empare de ce jeune Delacroix qui se met à douter et, alors qu'il ne s'y attendait plus, un événement va bouleverser son existence et lui redonner toute sa verve, si je puis dire, et toute la plénitude de son inspiration. Cet homme qui n'a quasiment jamais voyagé, cet artiste qui se contentait de fantasmer l'Orient depuis son atelier, va avoir un véritable choc. Le voilà justement parti pour un très grand voyage. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire du peintre Eugène Delacroix. Vous nous racontez sa quête d'inspiration au tournant des années 1830. Alors juste avant qu'on reprenne le fil de sa vie. Oui, mais 1830, c'est une grande date quand même. Hein. Bien sûr, le grand tableau. Comment Delacroix a-t-il vécu les Trois Glorieuses en 1830 justement, il est effrayé par ces événements dans un premier temps. Je vous l'ai dit, ça n'est pas, c'est quelqu'un qui aime quand même son confort et l'ordre. Et le 27, 28, 29 juillet, Paris est en révolution, tout simplement. J'espère que les faiseurs de République consentiront à se tenir au repos, écrit Delacroix, qui s'effraie des émeutes. Mais lorsqu'il voit que la situation s'apaise, et s'apaise vite, il va approuver Cette révolution de juillet, l'arrivée au pouvoir du roi Louis-Philippe le rassure d'une certaine manière. Et il va d'ailleurs, c'est tout le paradoxe de la chose, c'est qu'il va tirer de ces événements son tableau le plus célèbre dans le monde. Le fameux. La liberté guidant le peuple, vous savez. Pour le spleen, il s'en va grâce au travail, écrit-il à son frère. J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade. Et si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle. Cela m'a mis en belle humeur. Bon, c'est sa façon à lui de faire la révolution tranquille. Le soir du 21 novembre 1831, il assiste à l'opéra à la première de Robert le Diable de Meyerbeer. Vous voyez, quand je vous parlais de tout cet élan romantique, bien entendu, avec des décors inouïs, Robert le Diable et des costumes. Et, bon. Et à l'issue de la représentation, la grande comédienne Mademoiselle Mars vient le voir et l'invite à venir boire une coupe de champagne dans les salons du directeur de l'opéra. Bon, le peintre la suit, comme on fait dans ces cas-là, et la comédienne va lui présenter un de ses amis, un brillant diplomate, le comte Charles de Mornay. Il faut imaginer un dandy avec une fine moustache. Enfin, c'est presque Robert de Montesquieu 50 ans plus tôt. Mornay va faire à Delacroix une proposition qui le laisse littéralement abasourdi. Il lui explique qu'il doit se rendre au Maroc, justement sur ordre du roi Louis-Philippe, pour une mission diplomatique, et qu'il aimerait être accompagné par un peintre. Et ce peintre, eh bien, il aimerait que ce soit lui. Alors, Delacroix est un peu surpris, bien entendu. Et quand partirait-on, demande-t-il. Dans un mois. Un mois. Ça lui laisserait donc à peine le temps de se préparer. Il est tenté, bien sûr, Delacroix, mais en même temps, il est très effrayé par cette affaire. Il se dit que ça pourrait être l'occasion de renouveler son inspiration d'une certaine manière. Il pressent que c'est une occasion comme on n'en voit pas beaucoup dans une vie. Vous savez, il y a des occasions, des propositions qu'il faut savoir ne pas refuser. Et c'est ce qu'il va faire. Il accepte, un petit peu étonné lui-même par sa propre décision. Le voilà qui prépare ses bagages. À l'époque, on voyage pas avec un sac à dos. Et alors, il prépare tout son matériel de dessin, de peinture, aquarelle, pastel, mine de plomb, bien sûr, etc. Des carnets. Il lui faudra quand même le matériel le plus léger possible pour pouvoir, dans les décors du Maroc, dessiner sur le vif. On dessinait beaucoup sur le vif, même si on n'y peignait pas encore. Et avec cette espèce de très grand esprit de méticulosité qui est le sien, on le voit épingler sur chaque vêtement un papier qui mentionne le degré de température auquel le vêtement en question doit être porté. Ah, c'est organisé. Ah oui. Mon cher ami, écrit-il à son ami Villot, je suis en train de courir pour un assez grand projet. Je serai probablement parti pour le Maroc la semaine prochaine. Ne riez pas trop, c'est très vrai. Je suis donc très ahuri. Pensez à moi quand je serai avec les Marocains. Faites quelques vœux pour un homme qui vous aime sincèrement. Il est quand même très effrayé, ça nous fait sourire, nous, bien sûr. Le jour du départ arrive, 1er janvier 1832, le peintre fait ses adieux à Paris, il fait un froid terrible, on traverse la France jusqu'à Toulon, et là, avec le comte de Mornay, le voilà à bord d'un bateau qui s'appelle la Perle, en direction de l'Orient. Et quelques jours plus tard, on accoste à Tanger. Mornay et Delacroix mettent le pied sur une terre accueillante, une simple plage. Ils sont acheminés par des porteurs vers un bâtiment de Tanger où une cérémonie a été organisée en leur honneur. Sentiment d'irréalité qui soudain s'empare du peintre qui sent d'emblée qu'il a bien fait d'accepter. Il a l'impression de vivre un peu un rêve, si vous voulez. Et ses couleurs, et ses lumières telles qu'il n'en a jamais perçues, et ses odeurs et ses voix, tout lui fait écarquiller les yeux et ouvrir grand les oreilles. « Nous avons débarqué au milieu du peuple le plus étrange », écrira-t-il. « Le pacha de la ville nous a reçus au milieu de ses soldats. Il faudrait avoir 20 bras et 48 heures par journée pour faire passablement et donner une idée de tout cela. On nous a régalé d'une musique militaire des plus bizarres. J'avais tant de fois désiré découvrir l'Orient que je le regardais de tous mes yeux et croyant à peine ce que je voyais. Je suis dans ce moment comme un homme qui rêve et qui voit des choses qu'il craint de voir lui échapper. » Et oui, il ne voudrait pas se réveiller d'une certaine manière. Alors le voilà déjà s'aventurant seul dans les rues de Tanger, parcourant la vieille ville, s'enthousiasmant devant les maisons, les arbres, imaginez les orangers, etc., des jardins incroyables, devant les habitants aussi. « Le pittoresque abonde ici !» écrit Delacroix. « À chaque pas, il y a des tableaux tout faits qui feraient la fortune et la gloire de 20 générations de peintres. Vous vous croyez à Rome ou à Athènes, moins l'atticisme, mais les manteaux, les toges et 1000 accidents des plus antiques. » Un gredin les raccommode, une empeigne pour quelques sous, un gredin, qui raccommode une empeigne pour quelques sous à la tournure d'un Brutus ou de Caton du Tic. Ah oui, ça, on peut dire que ça y est, son imagination est partie au grand galop. Les couleurs, c'est bleu profond, c'est rouge incroyable, ces ors, les jaunes, tout ça lui fait tourner la tête, l'étourdit, il voudrait tout peindre, ne plus s'arrêter, et ses carnets se couvrent de dessins. C'est un grand dessinateur de la Croix. On met toujours en avant le coloriste, c'est un dessinateur. Le beau court les rues, dit-il. Il y est désespérant, et la peinture, ou plutôt la rage de peindre, paraît la plus grande des folies. Seulement voilà, Delacroix est vite confronté à un problème. Il ne parle pas arabe, Mornay non plus, vous me direz. Et les femmes musulmanes n'acceptent pas de se laisser peindre. De se laisser peindre, j'ai bien dit. Je faisais mes croquis au vol, avec beaucoup de difficultés à cause du préjugé musulman contre les images, dit-il. Et oui, il y a cet aspect-là aussi, qui n'est pas négligeable. Mornay et Delacroix vont parvenir quand même à trouver un interprète, c'est un commerçant juif qui s'appelle Abraham Ben Shimol, et qui va leur servir de traducteur, si vous voulez, un peu de guide aussi. Il est d'une aide précieuse pour Delacroix. Il lui ouvre les portes de sa maison et lui présente sa famille. Alors on voit, ça y est, il est chez les Ben Shimol maintenant, Delacroix, et là il va trouver des modèles nettement plus coopératifs que ceux qu'il pouvait voir dans la Casbah. Hein. Les femmes juives de la famille Ben Shimol acceptent sans discuter de se faire peindre. Et au fur et à mesure de l'avancement de la mission diplomatique, eh bien, Delacroix est en train de se dire qu'il ne pourra plus s'en passer de cet Orient, de ses couleurs, de ses lumières extraordinaires. Il va d'émerveillement en émerveillement, et sur le chemin de Meknès, il a sous ses yeux de véritables tableaux vivants, deux chevaux qui se battent dans la poussière, chevaux sauvages, élancés, élan vital à l'état brut. Les chevaux ont sous le ciel natal un caractère particulier de fierté, d'énergie, écrit-il. J'ai vu là, j'en suis certain, tout ce que Gros et Rubens ont pu imaginer de plus fantastique et de plus léger. Un autre jour, il assiste pour la fin du Ramadan à une scène de liesse populaire collective, vous savez, la foule en liesse, et il ne voit pas là une simple fête. Pour lui, c'est une peinture avec des convulsionnaires au corps tourbillonnant dans les couleurs vives. Le spleen n'est cependant pas très loin qui vient le menacer de nouveau, parce qu'il a une crainte maintenant, celle de ne pas réussir à transformer tout ce qu'il a réussi à emmagasiner, tout ce que son esprit, tout ce que sa mémoire ont été capables d'enregistrer, d'être capable de transformer tout cela en art. Frédéric Martinez nous dit « Delacroix, si sensible à la beauté, craint de ne pouvoir la dire. C'est le supplice de l'artiste. Réchappé de la grisaille, le voici au bagne du beau. » Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Jusqu'à 15h, nous sommes au cœur de l'histoire d'Eugène Delacroix sur Europe 1. Alors, on l'a vécu avec vous, Eugène Delacroix vient de vivre un voyage magnifique, surtout pour son inspiration. Il est au Maroc, mais pourtant, la tristesse est toujours un peu là. Il a peur de ne pas réussir à transformer ses paysages en tableaux. Oui, c'est un sentiment d'impuissance, si vous voulez. Tout ce que je pourrais faire ne sera que bien peu de choses en comparaison de ce qu'il y aurait à faire ici, écrit-il. Quelquefois, les bras m'en tombent et je suis certain de n'en rapporter qu'une ombre. Et une idée l'obsède, l'oublie sur place. Il ne peut dessiner que des esquisses. Bon. Il est obligé d'attendre d'être de retour à l'atelier pour pouvoir peindre. Mon esprit oubliera ses impressions et je dédaignerai de rendre imparfaitement et froidement le sublime vivant et frappant qui court dans les rues et qui vous assassine de sa réalité, dit-il. Mes souvenirs sont des arbres arrachés au sol natal. Dans ses carnets, il esquisse donc les futurs tableaux. Alors, vous savez, c'est d'ailleurs joli parce qu'il fait des petits tirets comme des petites flèches et il met en face bleu, rouge, jaune pour se rappeler. Voilà. Ouais. Autant d'aide-mémoire, si vous voulez, même si évidemment sa mémoire a tout retenu pour l'essentiel en tout cas. Il voudrait conserver, mais ça ne s'écrit pas dans un carnet, il voudrait conserver l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Stéphane Guégan nous le dit, une boulimie graphique le saisit comme si cette obsession cédé de la mémoire, anticipait déjà son absence et que le présent le fuyait déjà. Le 5 avril, après 3 mois passés au Maroc, la mission diplomatique va prendre fin. Mornay a atteint ses objectifs. La délégation rentre en direction de Paris déjà. Et Delacroix retrouve donc son atelier parisien. Il est encore plein, lui, des splendeurs de l'Orient, comme s'il détenait une sorte de trésor dans lequel il n'y avait qu'à puiser, d'une certaine manière. Et très vite, la nostalgie le reprend, peut-être plus fort encore, comme s'il devenait maintenant étranger à son propre pays. Alors on le voit s'enfermer dans cet atelier pour essayer de retrouver les sensations. Il peint inlassablement, puise dans les milliers de croquis réalisés. C'est une peinture de grande sincérité. Hein. Rue de Meknès, un berbère assis devant un mur de la Casbah dans des jaunes incroyables avec cette lumière qu'il arrive à transcrire. Il peint femmes d'Alger dans leur intérieur, des Marocaines assises sur de délicats coussins autour d'un narguilé et qui baignent dans une espèce de semi-obscurité chaleureuse aux tons et aux nuances incroyablement subtiles, avec des couleurs qui vibrent littéralement, une lumière de plus en plus enveloppante. On se demande où ça pourra bien finir. On sent frémir le rideau de soie, on sent frissonner les chairs, on respire les mêmes odeurs que celui qui est là, parce que lui, il y est en Orient. Lorsque ces tableaux d'Orient seront présentés au public pour la première fois, eh bien disons-le, de nouveau, hein, pardon de vous décevoir, mais de nouveau, la critique ne sera pas au rendez-vous, beaucoup méprisent l'œuvre de Delacroix, ben, la plupart n'aiment pas. Et Delacroix, néanmoins, commence à se blinder, si j'ose dire. Il va reprendre sa vie parisienne avec cette nostalgie nouvelle qui s'est installée en lui. Le spleen l'a repris, mais il fait partie non seulement du personnage, mais de l'époque, si vous voulez. Les souvenirs des quelques mois de 1832 ne feront que s'amplifier avec l'âge, nous dit Stéphane Guégan. Ces quelques mois où Delacroix s'est senti être un autre être. Et c'est ça la question, c'est que là-bas, il a sans doute existé. Bonjour Stéphane Guégan. Bonjour. Ça a été une belle expérience pour Delacroix, ce voyage en Orient, même si on l'a peut-être un peu trop mythifié, on y reviendra tout à l'heure, mais il a quand même été submergé par les impressions qui l'ont assailli là-bas. Submergé, subjugué, bouleversé, je reprends vos mots. Vous avez également cité cette lettre envoyée à un de ses amis. J'ai tant de fois désiré connaître l'Orient. Quand on regarde ses cahiers d'écolier, on en voit les premières traces. On sait qu'il a lu beaucoup sur l'Orient. Il vient d'une famille liée politiquement à la campagne d'Égypte, au grand rêve napoléonien. Brisé. Ce qui veut dire qu'il a quand même, même s'il a été très casanier, c'est un parisien absolu de la Croix, mais quand même il a été bercé, si je puis dire, par cette poésie orientale, par les souvenirs des autres d'une certaine manière. Et bercé dès le berceau, bercé en famille, bercé à travers le théâtre de Voltaire qu'il adore, bercé à travers les tableaux de la grande geste napoléonienne, Gros, dont il parle au Maroc, Giraudet, qu'il va voir au musée du Luxembourg. Et puis, parmi ses toutes premières gravures, qu'il a gravées très tôt, à 20 ans, des ambassadeurs de Perse, des Mamelouks. Avant d'aller en Orient, il a vu l'Orient à Paris. Les fameux Mamelouks de l'Empire et de l'Empereur, ils sont là. Ils fréquentent des ateliers. On sait aussi qu'il a acheté des objets ou se laissait fait prêter dès avant 1830. Ce que vous nous dites, c'est que bien avant le Maroc, Delacroix a déjà son propre Orient. Il s'est fabriqué son Orient à partir de lectures, d'objets et de récits, d'une certaine manière. Voilà, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas opposer l'Orient fantasmé et l'Orient vécu. Vécu, au contraire. Ils s'entremêlent d'emblée et dès avant 1832. On sait qu'il a hésité, vous l'avez rappelé, à franchir le pas et à se rendre au Maroc. Mais au fond, tout l'y pousse. Et Mornay est sans doute aussi... On a eu l'intuition, d'une certaine façon. Voilà. Mornay a tout compris. Mornay est un homme qui connaît bien le Paris de l'époque et qui parvient à le convaincre. Oui, et qui n'a pas eu finalement tant de mal que ça à le convaincre. On peut se poser parfois la question, quand on est en face d'une pochade, d'une esquisse, de Delacroix empreinte d'orientalisme, on peut toujours se demander si c'est après le voyage ou avant finalement. Oui, exactement. Même si, et vous avez bien fait d'y insister, la chose vue, la sensation... sont décisives à ses yeux. Il faut s'approprier le motif. Il le fait à travers les objets, il va le faire ensuite à Meknès et d'Étanger même, à travers ce qu'il voit dans la rue. Il y a une partie de ces confidences qui me paraît très intéressante, c'est lorsqu'il parle de la dimension antique des choses. Pour lui, ce qu'il voit au Maroc, dans cet Orient, qui d'ailleurs est plutôt un midi qu'un Orient, d'un point de vue purement géographique, mais ce qu'il voit là-bas, c'est un retour de l'antique. Cet antique le tient et l'habite quasiment autant que l'Orient. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, Nous sommes jusqu'à 15h sur Europe 1 au cœur de l'histoire d'Eugène Delacroix. Nous parcourons ses œuvres et sa vie grâce à votre invité. Franck, vous recevez Stéphane Guégan. Il est historien, critique d'art et conseiller scientifique auprès de la présidence du musée d'Orsay. Et il est l'auteur de Delacroix, peindre contre l'oubli, paru il y a quelques jours chez Flammarion. Un très beau livre qui est une sorte de petit manifeste d'une certaine manière, Stéphane Guégan. Vous voulez réconcilier les différents aspects de Delacroix et trouver la cohérence dans tout cela. Expliquez-nous la démarche. Je suis content que vous l'ayez perçu comme tel. J'ai essayé de montrer que le romantisme se nourrissait de son contraire. C'est quelqu'un qui a eu la plus grande admiration pour David, pour son maître Guérin, pour Giraudet, et même pour Ingres, dont il va voir la peinture quand il est tout jeune, au musée d'art contemporain, musée de Luxembourg. Après, ça se gâtera. Ça se gâtera, terriblement même. J'ai voulu aussi le réconcilier avec sa famille. Il a un père, le père, non pas Talleyrand, mais Charles Delacroix, qui a été ministre sous le directoire, préfet d'Empire. Le vrai père. Il est à la fois un fils de la Révolution de 1789 et non pas de la Terreur, un fils de l'Empire, et puis bien sûr un fils de son temps. C'est ce que j'appelle l'appel du 18 juin. Le 18 juin, dans son cas, c'est Waterloo. Il peint après Waterloo. Comment peindre après Waterloo? C'est la question que je me suis posée. C'est la peinture du nouveau monde, pas du nouveau monde géographique, du nouveau monde historique issu de la Révolution et de l'Empire, en fait. Exactement. Hein, c'est même, je dirais, celui qui a le plus conscience de cette France post-révolutionnaire, c'est celui qui va la peindre dans ses désirs démocratiques, dans ses désirs d'Orient, vous l'avez dit, mais également dans ses désirs de renouveau esthétique. Quand bien même il a admiré ses prédécesseurs, il est porteur des valeurs nouvelles. Alors, je parlais de cette antique. C'est vrai qu'il a étudié auprès de Pierre-Narcisse Guérin. Il a vraiment une formation très néoclassique, il faut bien le dire. Il est pétri de littérature et de culture antique. C'est le substrat qu'on lui a légué dans sa famille. Et puis c'est l'époque aussi qui veut ça. Et quand il est en Orient, quand il est au Maroc, il a l'impression, enfin, de voir ce dont il a rêvé. Et ce qu'il voit, ce n'est pas l'Orient, c'est l'Antiquité. Il a l'impression que ce sont des personnages de la Grèce ou de la Rome antique qu'il a sous les yeux. C'est l'Antiquité sans l'atticisme. C'est curieux, c'est-à-dire ça, oui. Une antiquité vivante, pour le reprendre. Débarrassée de toute sa poussière. Néoclassique, d'une certaine manière, ou académique. Non, ce qui l'intéresse, c'est de voir, grâce au, si je dis, ou à cause du décalage entre la France moderne et l'Afrique du Nord, c'est de sentir que les mœurs anciennes se sont prolongées, ont perduré. Il est frappé par la liberté du corps sous la djellaba, si je puis dire. Il est frappé également par la façon dont pauvres et riches s'entremêlent dans la rue, dont le café crée une société qui n'a pas d'équivalent dans le Paris de 1830. Donc il est frappé par ce qui, finalement, les permanences, enfin ce que le monde de l'Afrique du Nord maintient de l'antiquité romaine. On a parlé de la rue de Tanger. Parler des grands tableaux orientaux de Delacroix. Alors, la mort de Sardanapale, c'était l'Orient rêvé, si l'on peut dire, un peu cauchemardesque au passage. Il va nous livrer une vision plus sensuelle avec le temps. Les femmes d'Alger, par exemple, qui est son tableau, un des tableaux les plus célèbres de Delacroix. Et avant même Sardanapale, il va prendre fait et cause pour le soulèvement des Grecs. La Grèce, bien sûr. Et la Grèce lui permet justement d'introduire le sujet oriental à travers les Turcs, à travers les Ottomans qui cherchent à mater la révolte des Grecs, qui finalement se battent pour leur indépendance d'ailleurs à laquelle ils parviendront. C'est très romantique finalement, c'est un enfant de son temps quand même. Un enfant de son temps, et je le dis ici, mais avec conviction, c'est aussi un enfant de la presse. Parce que ce que la Restauration va mettre en place, c'est la révolution de la presse moderne. Et il le dit, dans le titre même des massacres de Sceaux, en 1824, il renvoie les visiteurs du salon aux relations de presse, en disant, voilà, les Turcs non seulement ont tué une partie des Grecs qui se sont soulevés, mais entraînent les autres en servitude. Et donc, il dit, voyez, regardez la presse et vous verrez que mon tableau est vrai. On avait vu Géricault réagir à un très grand événement d'actualité avec le fameux radeau de la Méduse. Lui aussi. Il fait la même chose. Il y a le beau tableau du musée de Bordeaux, la Grèce. La Grèce sur les ruines de Missolonghi. Missolonghi, hein. où Byron est mort, puisque Byron lui-même a été un artiste engagé, comme on dirait aujourd'hui. Et il rend hommage à Byron, il y a un bras qui émerge comme ça au premier plan du tableau, et c'est sans doute une allusion à Byron qui s'est sacrifié à la cause. Alors la grande rétrospective du Louvre, on va y venir dans un instant, nous offre tous les grands morceaux, et pour cause, parce que beaucoup sont au Louvre quand même. Les femmes d'Alger, brille au milieu de tout cela, on peut dire. Exactement, comme un des grands tableaux de la relève. Vous avez raison qu'il cherche une nouvelle forme d'inspiration après 1830. Il a beaucoup traversé les grands thèmes du romantisme et il va trouver dans la réalité même de l'Orient finalement une nouvelle source d'inspiration. Alors venons-y à cette exposition dans un instant. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'œuvre et la vie d'Eugène Delacroix cet après-midi jusqu'à 15h sur Europe 1 avec votre invité Franck. Vous recevez Stéphane Guégan. Il est historien, critique d'art, conseiller scientifique auprès de la présidence du musée d'Orsay et auteur de Delacroix, peindre contre l'oubli, un livre sorti il y a quelques jours chez Flammarion. Très beau livre. Je suis aussi en train de feuilleter là le hors-série du Figaro sur l'expo qui est particulièrement bien fait. Expo au musée du Louvre. Au musée du Louvre. Jusqu'au 23 juillet. Au musée du Louvre et pour cause. Disons les choses, les grands de la Croix sont au Louvre, Stéphane Guégan. Ils y sont parce qu'ils ont été achetés par l'État, par le roi, qu'il s'agisse de Louis XIV comme de Louis-Philippe. De Charles Louis, X. Dès Louis XVIII, à vrai dire. Dès Louis XVIII, hein, voilà. C'est ça. Parce que Louis XIV me troublait je un peu. Je vous ai parlé de Louis XIV. Non, c'est parce que comme vous, j'ai une certaine fascination pour Louis XIV. Il faut toujours qu'on prononce son nom une fois dans l'émission. Voilà, le père de la France moderne. Et on pourra en discuter un autre jour. Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe. Au fond, cet homme qui se plaint a toujours été très bien servi par l'administration royale et quels que soient les régimes. Il va connaître son heure de gloire sous le Second Empire. Et voilà. Et il peint pour le Louvre. Et donc, cette maison, comme nous le disons dans notre jargon, est la sienne. Et c'est vrai que, qu'il s'agisse des décors de la galerie d'Apollon comme des grands tableaux, le Louvre est un autre musée de la Croix. C'est ça. Et c'est le musée des grands formats, d'une certaine c'est manière. C'est le musée, voilà, de la Croix officielle. Or, il n'y a pas que des grands formats non. dans cette expo du Louvre. Non, ça, non, c'est, non. c'est extrêmement bien fait parce qu'on voit le caractère foisonnant de l'inspiration du maître. C'est ce que les deux commissaires, mes collègues, ont voulu souligner. Derrière le peintre des grands formats, derrière le peintre des billets de banque de notre enfance, il y a un autre de la Croix, celui des dessins marocains, celui des paysages normands. Celui des citations. Notamment des citations de Rubens. Des copies. Mmh. Copies qu'il a exécutées lui-même. Il collectionne également les copies de son ami Géricault. Il a un musée imaginaire dans son atelier, les gravures, il a tout Raphaël, tout Rubens en gravure, Michel-Ange, auquel il revient en permanence. Donc c'est un homme qui est à la fois celui qui incarne l'originalité, la sincérité romantique. La force d'une certaine manière. La force, mais aussi la force du passé, la force des maîtres. Et oui, et ça c'est l'aspect un peu méconnu qui est en train de ressurgir, je trouve, notamment à la faveur de cette grande rétrospective. C'est vrai que son père était un conventionnel important, hein, c'est un représentant du peuple, ça n'est pas rien. Donc un révolutionnaire, Bontin, mais qui n'est pas du tout en rupture avec les grands héritages classiques. Et n'oublions pas la famille de sa mère, qui est une famille d'artistes et d'ébénistes, en l'occurrence. Hein. Vous avez raison, la famille Jacob des Maltaires, famille importante, de grands ébénistes qui ont travaillé pour Versailles. Et donc il a cette double filiation sur ses épaules, l'Ancien Régime et la Révolution. Tout ça d'ailleurs s'harmonise en 1789. Il est resté au fond l'homme de 1789-91 et il a toujours professé la plus grande horreur pour les révolutionnaires, les Robespierre et autres professeurs de terreur. Mais c'est aussi un homme profondément, à mon avis, fidèle aux valeurs démocratiques. Et d'ailleurs, la liberté de 1830 ne sort pas de nulle part. Une démocratie balbutiante, un peu celle de Tocqueville, d'une certaine manière. Balbutiante, mais en même temps conquérante. Mmh. C'est celle qui a construit le 19e siècle et le début du 20e siècle. C'est celle qui est fondamentale dans l'histoire de France, mais qui se sent au fond aussi l'héritière de tout un passé. Alors lui est orphelin assez tôt, hein. c'est un jeune homme qui se retrouve sans mère et bientôt sans père, et qui ne va pas fonder de famille, c'est assez étrange ça. Non, aucune famille, aucun enfant, quelques maîtresses, dont une de ses cousines éloignées, un homme qui finalement conserve jalousement son temps de travail. C'est un faux solitaire, vous l'avez rappelé, il aime bien aussi sortir, il a eu des amis avant 1830 plus qu'après, mais effectivement il a le culte de la famille, le père, les deux frères soldats, l'un est mort à Friedland, sa sœur également, Verninac, et il a donc cherché à travers quelques-uns de ses plus grands tableaux à peindre cela, à peindre cette filiation, cette naissance de la France moderne. Où sont les femmes dans cette vie de Delacroix ? Elles sont dans sa peinture. C'est un peintre érotique. On le lui a suffisamment reproché quand cet érotisme est débordant, excessif. Elles apparaissent également dans sa correspondance, très belle correspondance, une correspondance d'écrivain, et elles sont là jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et notamment Joséphine de Forget, sur laquelle d'ailleurs j'aimerais écrire un petit livre. Voilà une révélation, l'attend ce livre. Cette Joséphine de Forget qui quand même, c'est quoi, c'est une cousine de C'est une cousine éloignée, c'est une Lavalette. Elle est aussi très importante dans le rapprochement entre Delacroix et Napoléon III. Delacroix a joué un rôle en son temps, incontestablement. Il est une référence intellectuelle aussi. Il a souffert de la critique, mais il n'a pas toujours été tendre lui-même parce qu'il a beaucoup écrit sur l'art. C'est très important, ça. C'est l'autre aspect de l'autre Delacroix. C'est l'autre aspect, je le cite abondamment. C'est un. Pour vous, c'est formidable. C'est formidable parce que ça s'ajoute à la correspondance. Peintre, bien sûr, oui. Et ça s'ajoute au journal qui a été tant lu par les peintres par la suite et jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, il a la dent dure à l'égard de tout ce qui vient entrer. Pour ce qui est pour lui finalement la victoire de l'art moderne. Donc ça peut être les derniers Davidiens, ça peut être une administration finalement sourde à la nouveauté. Et donc il le dit, et il le dit avec une rage d'ailleurs très impressionnante. Oui, il a une sorte de volonté de ne pas céder devant ce qu'il considère être des lâchetés d'une certaine manière. Oui, il a en horreur finalement la lâcheté, l'hypocrisie, tout ce qui peut finalement empêcher l'avènement de cette France moderne dans tous les aspects du mot. Nous l'avons trouvé, vous l'avez trouvé, hein, ce fil conducteur de l'ensemble de cette existence. C'est ce que j'appelle les trois mémoires dans mon livre, la mémoire familiale, la mémoire culturelle et la mémoire politique. Politique, voilà. La mémoire politique, parce que jusqu'au bout, effectivement, malgré l'assagissement, malgré son horreur justement des faiseurs de révolution, il n'a jamais renié les idées de 1789. Et on pourrait dire que dans l'espace d'un seul œuvre, pour parler bien français, il a parcouru l'ensemble du chemin qui va être celui de la plupart de ses confrères sur plusieurs générations. C'est un très grand dessinateur, je le disais tout à l'heure, qui connaît toutes les ficelles de l'académisme, et en même temps c'est quelqu'un qui peut aller parfois quasiment aux limites de l'abstraction lorsqu'il ne fait plus que jeter des taches de couleurs sur des toiles à peine préparées. Et il y a tout ce chemin à l'intérieur d'une seule œuvre. C'est ce que Baudelaire le dit en soulignant le fait qu'il est le seul peintre universel du romantisme. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il a touché à tout, qu'il a tout transformé génialement, jusqu'à friser une peinture sans sujet. En tout cas, dans ses études préparatoires à la peinture. Mathieu nous dit qu'il est étudiant en histoire de l'art et que c'est un réel plaisir de parfaire ses révisions sur le romantisme avec vous. Vous voyez que vous ne perdez pas votre temps dans le cœur de l'histoire. Merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Stéphane Guégan, Delacroix, peindre contre l'oubli. Nous restons avec Eugène Delacroix. Nous allons même nous rapprocher encore un peu plus de lui, puisque dans un instant, nous serons place de Fürstenberg, chez lui, dans son atelier. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du peintre Eugène Delacroix. Nous allons maintenant aller chez lui, en tout cas dans son dernier appartement à Paris avec Lorena Martin. Et oui, journal de Delacroix le 28 décembre 1857. Mon logement est décidément charmant. Réveillé le lendemain en voyant le soleil le plus gracieux sur les maisons qui sont en face de ma fenêtre, la vue de mon petit jardin et l'aspect riant de mon atelier me causent toujours un sentiment de plaisir. Bonjour Lorena Martin. Bonjour, Franck. Vous y êtes allée, vous, là-bas? Oui. Pas fait un grand voyage en même temps. Non, pas très loin. C'était l'atelier et le dernier appartement d'Eugène Delacroix. Donc, il est au 6 rue de Fürstenberg, dans le 6e arrondissement de Paris. Et Delacroix s'y installe le 28 décembre 1857 et il va y vivre jusqu'à sa mort en 1863. Il y va en fait pour terminer le décor de la chapelle des Saint-Anges de l'église Saint-Sulpice. Et Delacroix, à cette époque, était déjà malade, fatigué depuis plusieurs années. Il abandonne son atelier de la rue Notre-Dame-de-Lorette pour se rapprocher donc de l'église Saint-Sulpice pour terminer son œuvre. On n'a pas parlé parlé, Stéphane Guégan, de ce décor de la chapelle des Saints-Anges, mais c'est fondamental, hein, pour le coup. C'est fondamental. Il vient d'être restauré. Je veux dire que c'est une expérience unique. Oui. Et il faut voir, justement, il y a une exposition en ce moment qui s'appelle Une lutte moderne de Delacroix à nos jours. C'est dans l'atelier de Delacroix. C'est dans l'atelier. C'est la première exposition qui est dédiée aux peintures de la chapelle des Saints-Anges. Et l'exposition a lieu au même moment donc, que celle du Louvre. Et elles ont été récemment restaurées, et ils font cette exposition. Le musée, il existe depuis un petit peu moins d'un siècle. On le doit à Maurice Denis, c'est ça ? On le doit à Maurice Denis. Il existe depuis 1932. Il est né après le décès de Delacroix, mais il admirait beaucoup l'œuvre de Delacroix. Il a été le président de la Société des Amis d'Eugène Delacroix. Et lui, Paul Signac et puis d'autres grands artistes et intellectuels ont littéralement sauvé ce lieu qui, dans les années 30, figurez-vous, devait devenir un garage, en fait. Aïe, aïe, aïe. Et aucun d'entre eux n'avait connu l'artiste, ni ne lui était lié, mais ils lui avaient voué une certaine admiration. Et donc, ils ont sauvé ce musée. Donc, l'appartement de Delacroix, son atelier, les jardins sont devenus ce musée associatif, puis musée national. Et aujourd'hui, il est rattaché depuis 2004 au musée du Louvre. Et on peut y voir de grandes collections, oui. Beaucoup d'estampes près et de dessins, quelques peintures, oui, pas mal de peintures. Oui. On voit un petit peu toutes les facettes en fait, de Delacroix, peintures, dessins, manuscrits. Et on peut y voir notamment aussi le premier portrait de George Sand qui avait été exécuté par Delacroix en 1834. Donc l'exposition dont nous parlions se tient jusqu'au 23 juillet, c'est-à-dire à la même date que l'exposition La Grande Rétrospective du Musée du Louvre. Elle en est un peu le complément en quelque sorte. Hein. Lorsqu'on a, de toute façon, vous aurez tellement envie de revoir du Delacroix quand vous sortirez du Louvre qu'à mon avis vous irez faire un petit tour place de Fürstenberg. Et on y voit notamment donc la lutte de Jacob avec l'ange, hein, bien sûr. Complètement la lutte de Jacob avec l'ange qui et Lodore chassé du temple, Saint-Michel terrassant le démon. Merci beaucoup Lorena Martin. Dans un instant, c'est le coup de cœur de Nicolas Caro. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et en cette période de vacances de printemps, c'est un coup de cœur de Nicolas Caro qui va nous rappeler bien des souvenirs d'enfance. Et qui va nous donner des idées de lecture. Mmh. Bonjour Nicolas. Bonjour Franck. Vous nous parlez aujourd'hui de Mark Twain. Oui, c'est un mythe qui a marqué l'histoire littéraire des États-Unis et du monde. C'est un roman universel publié en 1876. Les éditions Tristram rééditent leur nouvelle traduction de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn. Donc pour Anissa, j'étais un peu obligé. Sawyer, c'est l'Amérique. Ah, c'était bien. Aïe, aïe, aïe. À mon avis, ça va faire un petit best-of, ça. Sûrement. Tom Sawyer. Voilà, on l'a dans la tête pour la journée, c'est fait. On peut tout de suite prévenir Mathieu Noël. Hein, l'adaptation en dessin animé pour les enfants. Mais il ne faut pas se tromper. Mark Twain est victime, en France en tout cas, de ce que j'appellerais le syndrome Dumas. C'est-à-dire qu'on l'a classé un peu vite dans la littérature jeunesse pour enfants et longtemps on ne l'a pas pris au sérieux. Alors oui, on peut et on doit lire Tom Sawyer quand on est enfant, mais quand on est adulte aussi, bien entendu, on le lira différemment. Et notamment adulte, je pense qu'on s'intéressera peut-être un peu plus à l'autre grand personnage du roman, c'est-à-dire le Mississippi, le fleuve lui-même, avec ses bateaux à eau, vous savez, ses rives boueuses. Oui. Mark Twain nous fait vivre cette période de l'histoire américaine. Chez Mark Twain, il y a les aventures spectaculaires de Tom et Huck et Becky, l'intrigue, mais c'est aussi la vie quotidienne, le parler, notamment l'argot des gamins, mais le langage des esclaves aussi. Souvenez-vous, dans l'autre roman centré sur le personnage de Huckleberry Finn, Huck parcourt le Mississippi à bord d'un radeau accompagné de Jim, un esclave en fuite. Et donc, dans les romans de Mark Twain, le mot nègre est souvent prononcé 250 fois exactement dans Huckleberry Finn. Parce que quelqu'un a compté le nombre de fois, c'est ça? Bien sûr. Pas parce que Mark Twain était raciste, c'était tout le contraire, mais parce qu'on prononçait ce mot à l'époque, évidemment, aujourd'hui aux États-Unis. Et effectivement, Franck, certaines écoles, dans certains États, interdisent carrément la lecture et l'étude de ces œuvres parce que c'est raciste, à cause de cette présence donc des 250 occurrences du mot nègre. Et Huck est introuvable dans les bibliothèques publiques de Virginie. Et le livre a même été réédité en remplaçant le mot nègre par esclave. Ça s'appelle refuser de regarder l'histoire en face. On le redécouvre, nous, depuis quelques années en France. C'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule. Et c'est salutaire. Oui, mais justement, c'est parce qu'ils l'ont retraduit à la perfection chez Tristram. Et c'est toujours pareil avec ces grands mythes littéraires, on a tellement l'impression de déjà les connaître qu'en fait on ne retourne pas à la source, au texte original. Il y a tout pourtant dans Tom Sawyer, de l'amour, de l'amitié. C'est quand même une grande histoire d'amitié avant tout, une amitié fraternelle qui vient sans doute de l'histoire de Mark Twain lui-même, puisqu'il avait un jumeau qui s'est noyé très jeune et Twain a dit qu'au fond, il ne savait pas lequel des deux était mort, lui ou son frère. Mais c'est terrible, voilà, ça. Mais oui. Donc il le refait revivre par Tom et Huck. C'est l'histoire de l'Amérique aussi, mais de la littérature américaine tout entière, finalement. Hemingway écrivait, écoutez ça, « Toute la littérature moderne américaine découle d'un livre de Mark Twain intitulé Huckleberry Finn. C'est le meilleur livre que nous ayons eu. Tout ce qui s'écrit en Amérique vient de là. Il n'y avait rien avant. Il n'y a rien eu d'aussi bon depuis. » Magnifique. Merci beaucoup. On a très envie d'aller se replonger là-dedans. Merci Nicolas Caro. Je cite d'ailleurs une de vos phrases. Vous m'avez bien dit en France, en tout cas, Mark Twain est victime du syndrome Dumas. Bien sûr. J'aimerais qu'un jour vous arriviez à nous faire une présentation sans citer Alexandre Dumas. Ce serait absolument c'est impossible extraordinaire. Si je parle de livres. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.